J'y crois pas à ta peine, je crois pas que tu sois une reine ou d'un peuple sans âme, sans larmes qui désarme. J'y crois pas à ta peine, à tes mots plats comme des plaines, maltraités, torturés, poèmes d'atrocité. Je crois tellement plus en toi que je pourrais finalement avoir la foi et m'entourer de dieux chimériques, tel un empathique mécréant biblique. J'y crois pas à ta peine, toi non plus, et tu peines à sortir de tes grands yeux des petites larmes en feu. Je vois des cimetières dans tes rires, des montgolfières dans tes soupirs qui s'élèvent aussi haut que mon cœur plus très beau. Je crois tellement plus en toi que je pourrais finalement avoir la foi et m'entourer de dieux chimériques, tel un empathique mécréant biblique. À un moment, je veux y croire. Je te laisse parler, plein d'espoir. Et tu parles un mot déployé. Et je sais que je me suis fourvoyé. Je crains tes colères orageuses, celles qui font de mes luttes courageuses des chagrins laissés à l'inutilité, tellement il est nécessaire de capituler. Je rêve de l'amour que tu me donnes pas. Tu répètes sans cesse que je ne le mérite pas, que j'ai les mains tordues au bonheur, qu'il coule à travers mes doigts sans en pleurer. J'ai cru t'aimer, mais j'ai jamais pu t'offrir la confiance que tu aurais voulu. Je sentais toujours l'ombre du couteau se dessiner lentement dans mon dos. Tu auras beau nier toutes ces horreurs, tu tromperas ma tête, mais pas mon cœur. Tu échoueras à quelques mètres du salut, à quelques secondes de la nuit absolue. J'ai fait une croix sur nous deux. Quelquefois, je doute un peu. Je suis ému quand tu es triste. Peut-être je me trompe quand j'insiste. Je me rappelle tout ce que tu me dis. D'entendre ça, j'ai plus envie. J'ai envie de torpeur. Je me plais tellement dans la langueur. Toutes ces histoires pour désolidariser, alors que partout il y a des gens décédés. Je veux vivre, je veux profiter, alors arrête de m'emmerder. Car j'y crois pas à ta peine, je crois pas que tu sois une reine ou d'un peuple sans âme, sans larmes qui désarment. J'y crois pas à ta peine, à tes mots plats comme des plaines, maltraités, torturés, poèmes d'atrocité. Je crois tellement plus en toi que je pourrais finalement avoir la foi et m'entourer de dieux chimériques, tel un empathique mécréant biblique.